Samy. Salut Charlie. Il y a personne là évidemment. Bah, merci pour nous. Non, mais enfin je veux dire il y a personne pour faire avancer l'émission. Oui, bah merci pour nous. Oh, écoutez, m'énervez pas aujourd'hui, je suis tendue. Hein. Bah, c'est bon, c'est pas de notre faute. Qu'est-ce qui te rend nerveuse? Bah il y a pas de journaux, c'est grève. Ah ok d'accord. C'est ça quoi? C'est ça qu'on n'a pas pu les lire ce matin. Oui, bah c'est ça, oui. Ça c'est la journée mondiale de la perspicacité. Oh, pardon. Mais comment est-ce qu'on va trouver les sujets là? La grève des journaux, c'est un bon sujet. Oui. Ça c'est facile, ça tient. Facilité ne veut pas dire légèreté. Ah oui, mais ça t'arrange bien évidemment. Mais t'es agressive. Je ne suis pas agressive. Mais elle est agressive. Un peu. Bon, tu vois, je ne suis pas. Bon, allez, achevez-moi, donnez-moi le nom de l'invité du jour, allons-y. Alors, il est espagnol. Ouais, bah un espingouin, ça bien sûr. On ne dit pas espingouin. Ah, écoute, puis je m'en fous, je dis ce que je veux. Je vais me faire le mangeur de paella. Mais non, mais c'est Sergi Lopez. Sergi Lopez. Elle vient de te le dire. Tu veux dire le Sergi Lopez de liaison pornographique? Oui, tout à fait. Disons qu'il y en a un autre qui est plombier à Bagnolet, mais on s'est dit que ça t'intéresserait moins pour l'émission. Sergi Lopez, oui. Ça va être une belle émission. Sans les journaux. Oh, mais au fond, on s'en fiche un peu des journaux. Ah, oui, parce que ce qui compte, c'est les êtres, c'est les âmes, c'est les corps. Calme-toi, Sergi, parle-moi de Podemos. Parle-moi des élections régionales dans l'Alsace-Lorraine. Parle-moi du topage des athlètes russes. Va lui faire peur. Parle-moi, Sergi. Ils sont forts, ces espingouins. Contigo, te quiero. Bonjour, la France Inter. Ay, quel calor dans ce studio. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui va essayer d'arriver au bout depuis le début. Une émission qui n'est pas suspendue au cordon de la bourse. Et voici les trois informations qui, quoi qu'il arrive au CAC 40, vont effectuer un rebond. Ah, parce qu'il est là. Jusqu'à 18h. Arrête. Le Premier ministre britannique impose ses conditions pour rester dans l'Europe. Le discours de David Cameron est de plus en plus offensif envers l'Union. Notre but n'est-il plus de faire du monde une province anglaise? C'est triste. Là, la Russie pourrait être interdite de participation au prochain JO à cause d'un système de dopage couvert par l'État russe. Une chose qui n'arriverait jamais en Europe, hein, même si, admettons, un seul pays raflait la plupart des trophées en ce moment. Non, du dopage en Espagne? Ça déconne ou quoi? Les journaux dans leur version papier ne sont pas parus ce matin en raison d'une grève par solidarité avec l'AFP. Rappelons à quel point la presse rend service, même à des gens comme Jean-François Copé. Hein. Et j'ai tout découvert... Le 15 mai, à travers l'article qui a été fait par Libération. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui a tout découvert de la relation de Scheim avec un tennisman français dans Closer. Ça remet pas, c'est Alex Vizorek. Mais oui, bonjour Charlie, c'est que j'ai joué au concours hein, pour gagner votre livre. Ah, et oui, c'est sur notre page France Inter, vous avez 10 chances de gagner le livre de Charlie Donnacker. Bon, j'espère que je vais l'avoir. Aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe à 17h20. Elle a une connaissance encyclopédique de la musique, attention. Mais malheureusement, elle a la coupe de cheveux proche de la nouvelle coupe de Scheim. C'est Mélanie Bauer. Bonjour. Ah, quelle vache. Ouais, je sais. Notre invité a un léger accent espagnol. Alors, je vais lui faire écouter ce soir des héros de notre pays. La France. J'entends bien, oui. La France, qui font de la musique en espagnol. Le mot du jour, et c'est un compliment, c'est donc vagabond. Très bien. À 17h30, il a des convictions de gauche chevillées au corps. Ah bon, mais malheureusement, il a une coupe de cheveux proche de celle de Laurent Wauquiez. C'est Guillaume Meurice. C'est vache aussi. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi, j'ai rencontré pour vous le secrétaire général de l'autorité des marchés financiers. Un mec intransigeant qui traque les irrégularités de la finance avec ses petits bras musclés. Ne me dites pas que nous n'avons aucun pouvoir dans ce domaine. Ouh là là, tremble Goldman Sachs. Et à 17h40, elle est passionnée de littérature pointue, mais malheureusement, elle a une coupe de cheveux. C'est Juliette Arnaud. Bonjour. C'est même pas vache, c'est convenu. C'est bête, voilà. J'aime bien. Et bien moi, je vais vous parler d'autres gens qui aimeraient bien que David Cameron se barre, en fait, l'Irlande du Nord. Et tout ça pour la littérature. Et oui, si tu écoutes J'annule tout, est présent dans un monde virtuel, sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, où vous pouvez devenir notre ami imaginaire. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous êtes né sous Franco. Vous montez la toute première fois sur les planches en 86, quand l'Espagne et le Portugal deviennent membres de la CEE. Vous recevez un César pour votre rôle dans Harry, un ami qui vous veut du bien, en 2001. C'est l'année où Harry Potter sort sur les écrans. Et vous remontez sur les planches pour un one-man appelé Non Solum en 2007. C'est l'année où Mireille Mathieu monte sur scène aussi, Place de la Concorde. Et Paul Naref aussi revient sur scène cette année-là. Et vous êtes... Vous êtes... Je vous laisse le dire. Vas-y. Vous êtes... Vas-y. C'est lui. Dites-le. Ben non, vas-y, toi, vas-y, essaye, vas-y. C'est Sergi Lopez. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Qu'est-ce qui me le prouve vraiment, par exemple? Attendez, parce que je suis entre les deux, moi, quand même. Donc, Et t'as chaud ou pas? Oui, très, parce trop, là. Beaucoup trop. Sergi Lopez, on peut vous voir au Théâtre de la Pépinière. Tiens, oui. Déjà, ben, ce soir, hein, parce que c'est du mardi au samedi à 19h. On peut vous voir torse nu. Oui, c'est vrai. Avec oui. Jorge Pico, oh. C'est 30-40 Livingstone, et Alex Vizorek est allé vous voir, il est rentré très enthousiaste. Ah, mais je suis rentré très enthousiaste, parce que on arrive dans le théâtre, et il y a du gazon, et il y a un siège, et à un moment, arrive Sergi Lopez, et un voilà, il y a ça, et à un moment, arrive un homme avec des cornes. Déguisé en cerf. Oh, pardon, bah, c'est les cerfs. Et pas vraiment déguisé en cerf. On peut pas dire déguisé. Il a juste les cordes du cerf, très élégant. Et puis commence un monologue de vous avec cette personne. Et je n'ai pas tout compris de la pièce. Ah. Et j'ai aimé ne pas tout comprendre de la pièce. Alors il est un petit peu concon. Hein, donc, vous ne pas tout de suite. Non, mais je confirme. Il est rentré en disant oui, c'était ça tout le charme. Vous êtes rentré enthousiaste et pour ça. Évidemment. Alors je veux vous laisser pitcher parce que moi. J'ai pas tout compris. S'il fallait pitcher. Non, c'est difficile. C'était difficile pour toi qui es un professionnel de la pitch. Imagine pour moi. Tu vois, je suis un sacré pro de la pitch. Non, c'est difficile à pitcher. C'est-à-dire que c'est plus facile de voir le spectacle. Ouais. Oui. C'est un spectacle qui est beaucoup plus facile à voir. Déjà, quand on écrit avec Jorge, on tombe toujours dans le même piège. C'est qu'on fait des spectacles qui ne sont pas explicites, alors qu'ils restent. Un petit espace pour le public, un grand espace pour le public. Donc il faut le compléter, donc chacun sort ses propres conclusions, tire ses propres conclusions. C'est l'auberge espagnole. Avec un cerf. Mais qui laisse beaucoup de place au public pour comprendre, mais qui laisse beaucoup de place aux comédiens pour jouer. Parce qu'on imagine que vous vous êtes donné la partition, chacun, parce que lui a une gestuelle magnifique, et puis vous avez des tirades que vous vous êtes données, j'imagine, vous avez décidé de mettre en avant le comédien en tant qu'auteur. Ou c'est qui donne la partition à l'autre? C'est marrant parce qu'avec Jorge, on écrit ensemble, le cerf sur scène, il est muet, mais dans la réalité, c'est Jorge Picos qui est mon associé avec qui on écrit ensemble, il n'est pas muet du tout. En fait, on est arrivé à cette pièce qui met en dialogue un monsieur un peu plus grassouillé, qui parle tout le temps en face d'un cerf ou d'un être cornu, avec des bois sur la tête, qui dit pas un mot. Qui lui fait peur un peu au début. Oui, qui lui fait peur, qui l'attire. C'est ça. Qui lui révèle des choses de soi-même, qui l'utilise comme une poupée, comme un animal. Enfin, je ne sais pas. En fait, on passe toute la pièce à dire qu'est-ce que c'est ce cerf, qu'est-ce que ça veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce cerf. Combien de kilos de cannabis pour écrire cette pièce? Pas beaucoup. Ça se pourrait. Non, de l'alcool, énormément. Alors, il y a toute une partie qui m'a beaucoup amusé. C'est celle où vous parlez de Sarkozy qui va... Parce qu'il y a le tennis qui est toujours... Oui. 30-40 Livingstone. C'est ça, parce qu'on parle beaucoup de tennis. Enfin, on parle de tennis. Si on parle de cerf, on parle de tennis. Enfin, jusque-là, je vois pas ce que vous avez pas compris. Si vous y allez pour voir du tennis, c'est pas tout à fait ça non plus. Mais... Et donc, il y a cette partie où Sarkozy va au village VIP de Roland-Garros. Ouais. Est-ce que vous êtes... Non. Ça vous avait passé à Roland-Garros, vous? Oui, et pourtant il y a de l'herbe. Donc, mais non, parce que je me suis dit que Sarkozy il va pas à Wimbledon. Et puis comme on parle un peu de Claude Guéant et tout ça, mais il y a un peu de politique. Mais je vois que vous voulez pas en dire trop. Et à la limite, Non, mais en fait c'est pas comment dire. Moi, juste que tu vois par exemple, parce que j'ai voir les tournements des gens qui regardent en disant qu'est-ce que c'est tout ça. Il faut voir la pièce. Elle démarre avec, on voit une silhouette d'un être humain a priori habillé en costume cravate blanc et avec des cornes qui traversent la scène en courant. À travers. Il n'y a pas de chasseur dans la salle? Ben non, pas dans la salle, mais sur scène, oui. Je cours derrière lui en train d'essayer de le trouver, de le choper, on ne sait pas. Et donc, j'ai fait un personnage qui est tout le temps en train de dire « je cherche quelque chose, je ne sais pas ce que c'est ». Donc, on comprend tous que ce qu'il cherche, c'est un peu... C'est cher. Après, quand il va le trouver, ça va lui révéler des choses. Un jeu à deux avec un personnage muet, en quelque sorte. Voilà, donc si vous avez compris... Oui, moi j'ai compris. Si vous avez compris, si vous avez compris la pièce, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Mais l'important étant que vous ayez eu envie d'aller la voir. Eh oui, et que vous la conseillez. Ah, on prend une claque de comédien par les deux, d'ailleurs. Voilà. Si vous avez... 30-40 Livingstone, c'est au Théâtre de la Pépinière, du mardi au samedi à 19h, avec Jorge Pico et Sergi Lopez. Got this in pocket. second pedal. I'm gonna use it. Intention. Motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. Tenders, Brass in Pocket, avec Sergi Lopez sur cette antenne, qu'on peut voir au Théâtre de la Pépinière, à 30-40 Livingston, et qui nous explique le processus créatif de l'improvisation, d'où le tout. Sergi Lopez qui vient de l'autre pays du surréalisme, qui est l'Espagne. Oui. Il y a du Dali Buñuel dans leur façon de créer, en tout cas. Et autour de la table, nous avons Mélanie Bauer, nous avons Juliette Arnault et Guillaume Meurice, qui a encore réglé les problèmes du monde, mais vous le saurez dans 20 minutes. Et là, c'est tout de suite l'heure du journal, comme on dit, Las Noticias. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Des enregistrements compromettants pour Karim Benzema ont été relevés. Certaines choses ne concordent pas, notamment les temps. La concordance des temps n'est pas toujours respectée. La société de production de Plus belle la vie a été rachetée par TF1. Et nous avons les premiers extraits de la nouvelle série Plus cher la vie. Et des brèves tellement bonnes qu'elles mériteraient d'être plus longues. Et on commence avec un hommage. Oui, à André Glucksmann qui s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 78 ans. André Glucksmann était surtout connu pour être un grand philosophe, un atlantiste et un pourfendeur des totalitarismes. Il était un peu moins connu pour être le sosie officiel de Patty Smith. Politique à présent. François Hollande va recevoir le président iranien. Oui, et cette visite fait déjà polémique à cause du dîner à l'Elysée, l'Iran, refusant de s'y rendre s'il n'est pas entièrement halal et la France ne voulant pas enlever le vin à table, le dîner a donc été annulé. Eh bien, je ne trouve pas ça bien du tout de la part de François Hollande. Il aurait dû accepter les conditions en tant qu'homme qui accueille. En revanche, pour la visite retour à Téhéran, il aurait dû demander une bonne planchette de charcuterie, du Bordeaux, un petit cognac pour terminer comme Dijon, et en dessert un pet de nonne. Ça lui rappelle la religion et c'est blasphématoire. Passons à droite. Oui, d'après les L'Express, Nicolas Sarkozy a déclaré devant les chefs d'entreprise que s'il était réélu, il baisserait massivement les impôts pour créer un choc de croissance. De toute façon, si Sarkozy est réélu, c'est sûr, ça va être un choc. Politique, toujours le député européen Aymeric Chauprade quitte le Front National. Bah, si maintenant les types procèdent eux-mêmes à leur propre expulsion... Passons à l'affaire de la sextape de Mathieu Balbuena. Oui, avec ses révélations compromettantes faites par Europe 1, ils ont mis la main sur une conversation téléphonique entre Benzema et un de ses amis impliqués dans le dossier. Voilà, et l'Équipe TV a retransmis avec exactitude le contenu de cette conversation dans ses journaux télé. Écoutez. Karim Benzema rapporte sa conversation avec Mathieu Balbuena à un ami d'enfance, lui-même soupçonné d'être un intermédiaire dans le chantage. Morceau choisi. Je lui ai dit, moi je vais t'arranger la sauce. Faut que tu vas voir le mec, il va venir, il va te parler. Faut que tu vas voir le mec, il lui a dit. Passons donc à l'affaire Dieudonné. Oui, la Cour européenne des droits de l'homme rejette le recours de Dieudonné et confirme sa condamnation. En faisant monter sur scène le négationniste Robert Faurisson, Dieudonné s'est bel et bien rendu coupable de démonstration de haine et d'antisémitisme. Voilà, quant à Faurisson, lui continue à nier être monté sur cette scène. Passons au bref. Oui, avec un titre étrange, le proviseur du lycée se masturbait devant un film de la guerre 14-18. L'homme a été surpris au Kinépolis de Saint-Julien-les-Metz alors qu'il se masturbait au dernier rang d'une salle, projetant un film sur la guerre 14-18. Voilà, et c'est normal, en 14-18, c'était l'époque où Pétain faisait encore bander la France. Guerre toujours. Oui, dimanche à Séville ont été remis les European Best Event Awards. Ah, et le prix du meilleur événement européen récompense les cérémonies du bicentenaire de la bataille de Waterloo. Hein, vous vous souvenez, c'est celle où la France n'envoyait personne. Et je précise qu'aucun Français ne s'est astiqué devant la reconstitution de la bataille de Waterloo. Et on termine par l'affaire Plus belle la vie sur TF1. Ouais, TF1 est devenu depuis hier actionnaire majoritaire de FLCP, qui est la société productrice de Plus belle la vie. Et donc les épisodes nouveaux ont été comme tournés depuis ce matin et on a les premiers extraits. Salut Roland, mets-moi un Coca-Cola. Ah, tu veux pas un pastis 51, Céline ? Non, merci, je dois préparer le dîner, j'ai acheté des panzani. Mais t'as l'air angoissé, rassure-toi, t'es assuré à la matmut. Salut les amis, t'aurais un Kinder Bueno pour moi ? Mais Eric, comment es-tu venu ? En Volkswagen, et elle pollue pas autant qu'on le dit. Aucune fuite. Exactement comme mes serviettes, Vania, aucune fuite. Je me rends sur les lieux du crime, il s'est fait agresser avec un couteau laguiole. Vite, quelle heure est-il ? Je regarde ma Rolex, allons-y. Rendons-nous sur les lieux, mais du calme, après la pub. Retour à une émission normale. J'imagine, Sergi Lopez, vous avez pris une claque de comédien là, vous aussi. Ouais. Prenez des notes. S'il faut, on va acheter des boîtes de serre et bam, allez hop là, on est sur scène ce soir. Sergi Lopez nous accompagne jusqu'à 18h, on met l'actualité dans la prise, on va aborder avec vous le premier sujet. David Cameron impose ses conditions au Conseil européen, sinon la Grande-Bretagne prendra le large. Pour accéder à la demande des Anglais, il faut rouvrir les traités et ça ne plaît pas aux Français. Regardez-les, mais foutent le camp, ils nous laissent tomber. Oh mince, j'aurais jamais cru ça d'eux. On s'en sortira quand même, messieurs. Vous avez vu, hein, bah c'est ça les Anglais. Oh, ça m'étonne, ils étaient plutôt sympathiques. Sympathiques. Vous avez une nurse anglaise. La grande vadrouille, bien sûr. Alors donc le Premier ministre britannique impose ses conditions pour rester dans l'Europe. L'Europe répond que ça va être hautement problématique. Je me demandais, vous, Sergi Lopez, en tant que Catalan et même impliqué, hein, vous avez voté pour l'indépendance aux dernières élections, je pense. Vous bien êtes, vous êtes au CUP, Parti catalan de la gauche radicale. Est-ce que pour autant vous comprenez que l'Angleterre veuille se barrer de l'Europe si Ah oui, complètement. Moi, je comprends pas pourquoi elle existe, l'Europe. Ah, je trouve ça une arnaque d'une énormité. Je trouve ça, enfin, je trouve qu'un bobinet d'une idée d'être tous ensemble, c'est un truc purement économique pour enlever les frontières non seulement aux personnes, mais surtout au capital. Mais alors, attendez, si on reprend l'Europe, la belle idée de l'Europe, du début, de la paix, etc., vous trouvez que c'est des foutaises, la paix, alors? C'est super, la paix. Oui. Mais vous croyez que le jour où la France, économiquement, ne sera pas intéressée à être en Europe, elle va y rester par philanthropie? On ose espérer. C'est une question, c'est une question ouverte. Si Laurent Fabius nous écoute, hashtag annule tout. Je peux dire. Oui. Bon alors, David Cameron, pourtant, il peut les mener l'Europe. Ouais, non, mais là, avec ces conditions qu'il veut imposer, il veut une Europe quand même encore un peu plus libérale qu'elle ne l'est. Par exemple, des conditions, c'est limiter l'accès des travailleurs étrangers européens à certaines prestations sociales. Non. Ça rencontre moins vos idéaux, j'imagine. Non, mais c'est vrai que c'est terrible. Comme, tu vois, je trouve que c'est con que la... que ça permette sous prétexte de tous ensemble, du coup, on privilégie des fois des arguments qui sont complètement insolidaires et qui, en fait, je trouve que c'est un peu, ça se refait tout le temps la même chose, que c'est toujours les gens qui sont près du pouvoir et les gens qui sont loin du pouvoir qui payent les conséquences des crises économiques, tout ça. Donc, c'est con que, je trouve que chacun passe les balais comme ça lui convient. Mais vous craignez pas un repli identitaire si chaque pays referme ses frontières et si même maintenant chaque région veut son indépendance? Quand vous dites région, vous parlez de la Catalogne? Bah, par exemple, oui. Ah oui, parce que nous, comme on croit que c'est un pays, donc c'est comme... Non, mais c'est marrant, c'est pour vous, c'est comme si... c'est drôle. Hein. En France, vous vous mettez tout le temps... quand vous parlez de la Catalogne et l'Espagne, inconsciemment, tout de suite, vous prenez la partie de l'Espagne, parce que vous êtes en État. Alors que vous n'imaginez pas qu'on vous dise que vous n'êtes pas... français, que vous êtes italien. Ah, hein? Moi, personnellement, je m'en fous complètement, mais ça reste pas ma question. Ouais, tu t'en fous, oui, tu t'en fous complètement, mais tu as ta frontière avec ton pays. Mais oui, mais justement, on va vers un monde où il y a de moins en moins de frontières. Non, est-ce mais que... c'est pas une question de frontières. Moi, je suis prêt à brûler tous les drapeaux catalans et toutes les frontières. Moi, c'est ça qui est un peu bizarre. C'est que c'est-à-dire, je trouve que c'est évident que plus la politique, elle est près de l'individu, plus elle est loin, plus elle est à Bruxelles, plus elle est loin, moins on se sent concerné. Et moi, je trouve que cette idée de base qui nous rejoint tous les Européens, tout ça, elle est un peu... Mais donc vous ne rejetez pas toute l'Europe alors, il y a quand même des choses bonnes à prendre. Mais l'Europe, mais c'est super l'Europe. Après, le truc, c'est le traité économique européen qui est, on dit l'Europe, on se dit, ah, on est content, tous les Européens, mais en fait, c'est un traité économique qui privilégie surtout les intersections économiques et le capital. Donc vous êtes contre la politique européenne et pas forcément contre l'idée de l'Europe. Non, plus contre l'idée d'un marché unique. En tout cas, je suis très critique avec l'idée de se dire que je trouve ça une pensée trop, un endroit commun, une pensée trop simple, se dire ah, mais on est tous ensemble, on est heureux. Mais le fait d'être ensemble, de donner valeur qu'on soit ensemble, c'est qu'on soit différent. C'est pas qu'on soit tous allemands. C'est-à-dire que quand l'Allemagne il a eu des problèmes économiques, et la France aussi, ils ont bien dit à la Grèce qu'on arrête. Non, c'est-à-dire que, tu vois, je crois que plus on est petit, plus que les régions ils peuvent se manifester, plus c'est petit, mieux facile c'est de comprendre avec les autres. Je trouve que c'est plus facile. Il ne s'agit pas d'être tous orange ou bleu, mais chacun ouvert, sa couleur. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez plus catalan qu'espagnol, par exemple? La même chose qui fait que je suis plus français que portugais. Ah oui. Alors il y a énormément de différences. C'est un peu la même chose. Et notamment votre accent que vous entretenez, l'accent catalan, qui est aussi garder son accent, c'est politique aussi. Non, je ne le fais pas exprès, comme ton accent. Quel accent belge. Bien joué, Sergi Lopez. Allez, un partout, Flandre, Catalogne, un partout. Balle au centre, chez Mélanie Boer. On va commencer par une triste nouvelle pour la musique. C'est la mort du pianiste de la Nouvelle-Orléans, Alain Toussaint, qui est décédé lundi soir à Madrid. Donc on est où en Espagne avec Madrid? Chez les Castillons. Madrid, la capitale de l'Espagne. Oui, oui. C'est merci. Pays voisin, nous adorons. C'est ça, oui, les pays voisins. Donc il est décédé à l'âge de 77 ans et Alain Toussaint c'est un grand héros du jazz, de la musique de la Nouvelle-Orléans qui a été repris notamment par les Rolling Stones et les Rolling Stones ont d'ailleurs réagi sur Twitter, ils ont écrit « RIP ». Alain Toussaint. Voilà, c'est très émouvant. C'est sobre. C'est clair. Retour à ma chronique. Donc, vous n'êtes pas le seul polyglotte à faire voyager votre accent hors de vos frontières, hein, Sergi Lopez, ni vous d'ailleurs, hein, Charline. Quel accent Chez nous aussi, et spécialement dans la musique, certains ont construit leur carrière grâce à leur exploration du monde, des vagabonds, des artistes français qui s'inspirent des cultures hispaniques pour exprimer leur art. Je compte d'ailleurs sur vous hein, pour me dire si leur accent espagnol est crédible. Le plus célèbre, c'est Manu Chao qui voyage de Sèvres à Bamako, de Barcelone à Rio de Janeiro, sans oublier la fameuse traversée en train de la Colombie qui sonnera le glas de la Mano Negra. Il est un des des piliers français des musiques du monde, un chanteur qui s'exporte, adulé ou critiqué hein, pour ses prises de position politique, mais aussi pour ses chansons qui se ressemblent un petit peu toutes. Il est le vagabond star de la France. Ici, il rend hommage à la rumba catalane, un genre musical inventé dans les années 50 par les gitans dans les quartiers pauvres de Barcelone, un gloubi-boulga d'influence antillaise, latino-américaine, arabo-andalouse, la rumba de Barcelone. Crédible ? Ça vous fait sourire, Sergi Lopez ? Oui, ça me fait sourire. Pourquoi ? La rumba, parce que la rumba, c'est quelque chose qu'on entend, enfin, qu'on entend beaucoup, et parce que Monsieur Manu Chao, j'aime bien son rythme, j'aime bien sa musique, j'aime bien... Il a un vrai bon accent espagnol ou pas ? Il a un vrai bon accent franco-espagnol. ce qu'on souligne chez lui, c'est pas l'accent, c'est ce qu'il dit des choses quand même. Oui. De gauche, des choses de gauche. Ouais. Plus confidentiel, mais tout aussi important et français, son cousin musical Bruno Garcia, ancien pilier du groupe alternatif Ludwig von 88, un des trois petits quepons qui chantait en 1987, ça va vous plaire, Qui a peur du méchant Pasqua ? Qui a peur du méchant Pasqua ? C'est pas nous. Qui a peur du méchant Pasqua ? La la la la. Et oui, ça existait. Il devient Sergent Garcia fin des années 90 et se lance à la conquête du monde en chantant lui aussi en espagnol. Il invente une musique à trompette qu'il appelle du salsa muffin. Il a sorti cet été son 7e album Contre vents et marées, enregistré à Valence, Santiago de Cuba, Bogota, mixé à Paris, masterisé au mythique studio anglais d'Abbey Road. Aunque tú me has echado en el abandono. Aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con vos. C'est pas mal ça. Ah oui, c'est très bien. C'est un bon accent. C'est un bon accent, oui. Ah, de l'Amérique du Sud. Oui, un c'est peu ça. D'Amérique du oui, Sud, Amérique hein. du Sud, plutôt, effectivement. Ouais. Et la tradition se poursuit avec une nouvelle génération. Côté nouveau venu, on notera El Gato Negro. Ça ressemble à un nom de vin chilien, mené par un chanteur de Toulouse, Axel Matrod, qui a traîné lui aussi un peu partout. Il a joué dans les prisons en Amérique du Sud, pris des cours de théâtre au Pérou. Il s'est fait confisquer sa guitare par la Guardia Civile à Barcelone alors qu'il faisait la manche. Et conte de fées, il rencontre à ce moment-là par hasard Manu Chao dans un bar qui, quelques jours plus tard, lui offrira une autre guitare. Il chante en anglais avec un accent espagnol tout en étant français. C'est le comble, c'est l'Europe du vagabondage. It's time to boogaloo, baby. Ay, pero ¿qué es lo que es eso? Háblame bien. You've got to clap your hands and move your body. Ay, mi amor, eso yo lo puedo hacer también. Shake a leg and sing with me. Shake it, shake it, shake it, honey. Shake it, shake it and sing with me. Gâteau Negro que nous fait découvrir Mélanie Boël. Oui, ils seront en concert à Paris au Café de la Danse ce jeudi, si vous voulez un peu de boogaloo. Oh, tout ça pour Sergi Lopez. El Gâteau Negro. Oui. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, ouais. Je pense que ça ne veut pas dire le gâteau noir, c'est ça ? Le chat noir. Et oui, nous sommes en compagnie de Sergi Lopez, qu'on peut voir au Théâtre de la Pépinière, 30-40 Livingstone. C'est du mardi au samedi à 19h. Il paraît que vous bougez bien votre corps. Ben, j'ai fait ce que j'ai fait, un peu comme ouais. toi. Oui, c'est l'école du corps, en fait. C'est, ah, mon Dieu. Bon, allez. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, il est 17h37. On est où? Oui. Oh, sur France Inter. Oh. Il y a Sergi Lopez. Et puis, il y a Juliette Arnaud, Mélanie Boer, Alex Vizorek. Et pourquoi il est là, Sergi Lopez? Je sais pas. Je sais pas, parce que c'est un très, très, très bon comédien. C'est vrai. Voilà. Et a mí me gusta Sergi Lopez. Et c'est le momento de, le momento Meurice. Ah, hein, c'est, hein, momento Meurice. C'est moi, les questions d'argent, de finances. Exactement. Certaines valeurs qui vont sans doute parler à notre invité, Sergi Lopez. Est-ce oui. que j'ai dit que Sergi Lopez était invité ou pas? Oui, c'est lui. Ah, voilà, c'est fait. Mais qui est Sergi Lopez? Exactement. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous rassurer, figurez-vous, parce que c'est vrai qu'on entend partout, oui, les marchés dirigent le monde, il n'y a plus que le pognon qui compte, on a même un président de la République qui mène une guerre acharnée contre le monde de la finance, avec les conséquences que l'on sait, hein, 4 traders sont encore sous assistance respiratoire après s'être étouffés de rire en réécoutant le discours du Bourget. Alors, je pense qu'il est temps, d'apaiser les tensions et de rassurer la population. Je suis donc allé à la conférence de presse de l'AMF qui portait sur la rémunération des dirigeants d'entreprise. Alors l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Autant vous dire que les gars, ils sont pas là pour déconner. Notamment Benoît de Juvigny, le secrétaire général avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir. Il nous explique ce qu'est véritablement l'AMF. D'une manière générale, l'AMF est le gendarme des marchés financiers. Est-ce que vous mettez des amendes, par exemple ? Non, dans ce secteur-là, nous n'avons pas de sanctions financières qui est à la clé. Ah, du coup, vous n'êtes pas vraiment un gendarme, parce qu'un gendarme, il met des amendes. Nous sommes dans un autre système que les Anglais appellent la soft law et qui consiste à demander aux personnes concernées, aux entreprises, dans une logique de soit se conformer, soit s'expliquer, de dire ce qu'il en est. Ah, je vous avais prévenu, ça rigole pas, hein, les mecs sont pas là pour déconner, c'est simple. Quand l'AMF constate une irrégularité, elle va demander à l'entreprise de se conformer ou de s'expliquer, sous peine de... sous peine de rien, mais bon, les mecs, quand l'AMF envoie un recommandé, avant de le passer à la broyeuse, ils font quand même pas les malins, quoi. Ils se disent, on va vite se conformer ou s'expliquer, sinon rien, mais bon, quand même. On est dans un système ultra contrôlé. Le tout est régi par le code AFEP-MEDEF. Alors, c'est un peu technique, MEDEF, on connaît, et AFEP pour Association Française des Entreprises Privées. Donc, ce code régit le fonctionnement des entreprises affiliées. Explication complémentaire. Alors, le code AFEP-MEDEF, c'est un document de plusieurs dizaines de pages qui demande aux grandes entreprises cotées de respecter un certain nombre de règles du jeu en matière de gouvernance et de rémunération des dirigeants. Et ça, qui est-ce qui l'écrit? Qui est-ce qui le définit? Ce sont les associations professionnelles, AFEP et MEDEF, qui écrivent ce code pour les grandes entreprises. Ah bah, oui, alors c'est l'AFEP et le MEDEF qui rédigent eux-mêmes le code qui régit le fonctionnement des grandes entreprises, de l'AFEP et du MEDEF. Donc on pourrait avoir peur et se dire, oh là là, ça va être des gens qui n'y connaissent rien qui rédigent ça. Eh bien, pas du tout. Hein, ce sont les entreprises elles-mêmes. Donc, vous pouvez être rassurés. A priori, ils connaissent le dossier. Et je vous rappelle que si elle ne respecte pas le code, Benoît peut à tout moment envoyer un fax. Hein, c'est violent, mais c'est comme ça. Poursuivons. Voyons comment l'AMF mène l'enquête pour débusquer les éventuels fraudeurs. Nous travaillons exclusivement sur des données publiques. C'est-à-dire que vous n'enquêtez pas, vous ne cherchez pas à savoir s'il y a des données qui sont cachées? Enfin, je ne pense pas que le sujet soit de ce niveau-là. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu dans le cas du gendarme qui arrête quelqu'un en état d'ivresse et qui lui demande combien de grammes il a dans le sang? Non, je pense vraiment pas. Le système de contrôle est tel que certains peuvent avoir envie de publier les informations un petit peu tard, certains peuvent avoir envie, comme je le disais tout à l'heure, de proposer une sorte de jeu de piste pour que l'information ne soit pas trop facilement accessible. Mais encore une fois, je pense que de ce point de vue-là, le système français fonctionne bien. Mais évidemment, il fonctionne parfaitement, même si certains planquent les infos, vous pouvez être rassuré. Et je vais même vous dire, Benoît de Juvigny, c'est un ancien de CleanVest, la banque d'affaires du Crédit Lyonnais. Voilà. Donc, les banquiers et les patrons, c'est ses copains. Ah, c'est vrai que c'est toujours plus facile de dire à un copain quand il déconne. C'est vrai, quand Alex, il drague une stagiaire de troisième, on lui dit que c'est illégal. Parce qu'on est son copain. C'est quand même plus sympa que de lui envoyer le juge directement. Et c'est pareil quand le patron d'Alcatel ou de Lafarge se tire avec un pactole, comme on l'a vu dernièrement. On a eu uniquement deux cas de départ de grands dirigeants sur lesquels, au départ, la conformité au code, justement, pouvait poser question. D'où peut-être le souhait de certains que l'information soit un peu compliquée à retrouver. Voilà, certains dirigeants sont un petit peu taquins, ils planquent les indemnités de départ, les primes, les salaires, mais ce sont des gens pudiques, respectés un petit peu ça, d'accord ? Et il y en a un qui est pudique, mais à ce niveau-là, c'est maladif, c'est Vincent Bolloré. Je suis désolé, ça tombe encore sur lui, mais son nom, il revient régulièrement dans tous les rapports de l'AMF. Bon, alors Benoît, qu'est-ce qui se passe avec Vincent ? C'est vrai sur un cas particulier, je vous assure qu'en général, épinglé par l'AMF, les sociétés n'aiment pas et c'est un puissant instrument pour les faire évoluer. A priori, Bolloré, il s'en fout. Je ne peux pas répondre plus sur le cas particulier. Non, mais t'emmerde pas à répondre, Benoît, parce que si tu réponds sur ce cas particulier, tu vas devoir répondre sur les 3800 autres cas particuliers. On est rassuré, nous, c'est l'essentiel. Et pour que vous soyez tout à fait rassuré, j'avais même une dernière question. Est-ce que vous êtes vraiment une autorité des marchés financiers ou est-ce que vous êtes plutôt un observateur assez sympathique des marchés financiers ? Merci pour cette question provocante. Je pense qu'en tant qu'autorité des marchés financiers, nous assumons notre rôle, mais qui se fait dans un cadre juridique particulier, mais qui reste, à mon avis, extrêmement efficace. Évidemment, l'extrême efficacité de l'AMF n'est plus à prouver, surtout dans ce cadre juridique particulier, où ce sont les gens susceptibles de frauder qui écrivent le code. Une chance que ce ne soit pas des révolutionnaires coupeurs de tête qui écrivent le code pénal, parce que sinon, je ne donne pas cher de celle de Benoît et de ses amis. Merci Guillaume Meurice. C'était Noël pour vous. Oui, c'est vrai que c'était un tout petit peu cadeau. Il est dans son jus. Vous avez senti tout guilleret. On sentait le Lexomil. Les mecs sont pas stressés. Oui, mais ce sont des gens qui sont quand même qui très tapent du poing sur la table avec beaucoup de virulence. Quand ils envoient un recommandé à Bolloré, ça fait chaud aux fesses. Je comprends. Allez, vous êtes sur France Inter en compagnie de Sergi Lopez. Quelle chance. Sujet 2. L'Agence mondiale antidopage. Une nouvelle autorité. Attention, qui tape sur la table. Mais elle a levé un lièvre de la taille d'un ours des steppes. Corruption à la Fédération internationale d'athlétisme, dopage des athlètes russes avec l'assentiment de Moscou. Mais alors à quoi carburent les champions russes ? Permettez-moi de répondre. Ça apporte un plus en performance. Un grand athlète, un super athlète qui met toute sa force dans un enjeu. Une bonne partie du monde est ignorante de la chimie du corps. Nous souhaitons donc vous éduquer dans ce domaine. Selon certaines rumeurs, vous pourriez doper vos athlètes en Union soviétique et faire un large usage de stéroïdes anabolisants. Est-ce que Drago a été soumis à ces expériences ? Non, il s'entraîne de façon naturelle. Alors comment expliquez-vous sa monstrueuse puissance ? C'est un Popeye. Lui aussi mange des épinards. Un extrait de Rocky IV. Et oui, des références dans cette émission. Rocky IV. La Fédération internationale d'athlétisme aurait fait chanter des sportifs pour les faire taire. Oui. C'est chanté pour faire taire. C'est écrit texto dans la presse ce matin. Le gouvernement russe, complice du système de dopage, risque de non-participation de la Russie aux Jeux Olympiques l'an prochain à Rio. Et Interpol coordonne une enquête mondiale. Je me disais, Sergi Lopez, est-ce que vous avez encore foi dans le sport de haut niveau ? Parce qu'après la FIFA, le cyclisme, les Russes en athlétisme, est-ce que vous regardez encore le sport avec le même œil ? Non. Non ? Non, c'est terrible. Pour quelqu'un qui est d'un pays où il y a un club de foot comme Football Club Barcelone, qui pendant longtemps a représenté, en fait, son leitmotiv, c'est être plus qu'un club, c'est de représenter quelque chose au-delà, qui était près d'une idée collective, c'est décevant de tout ce qui arrive à Barcelone et partout. Je veux dire, dans les fabuleux business qui représentent le sport, mais non, avec les Jeux Olympiques de Qatar, de partout, on découvre en fait que. Puis s'il manque les Russes. Manque les Russes au JO, il va manquer quelqu'un, notamment Poutine. Si on regarde les chiffres, donc les mondiaux 2015 d'athlétisme, les Russes ont 4 médailles. Et ils sont dopés, c'est sûr. Les Américains en ont 18, les Jamaïcains 12 et les Kenyans 16. Est-ce qu'ils seraient mal dopés ou... Parce que les autres, c'est quand même fou, alors. Mais, non, c'est pas possible. Les Russes, ils doivent 4 qui ont été dénoncés. Oui. Mais pas 4 qui... Non, mais vous voyez, c'est fou que les autres en aient beaucoup plus et qu'eux soient clean. Les Kenyans sont inquiétés aussi. Les Kenyans ont été inquiétés. Mm-hmm. Mais c'est comme les Jeux Olympiques des pharmaciens, de ça. Oui, exactement. En Espagne, vous avez l'affaire Fuentes. Qu'est-ce que l'Espagnol moyen pense? Parce qu'il a des résultats sportifs comme il n'en a jamais eu. Et en même temps, il y a des suspicions énormes. Je crois qu'on a des suspicions sur tout le monde. Il y a pas de j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nationalité précise. Mais l'affaire Fuentes, c'est quand même fort en Espagne. Fuentes, je dirais que c'est pas le même pays, c'est peut-être l'autre. C'était le fameux docteur qui aidait les cyclistes. Si. Oui, mais après, c'est marrant, le cyclisme, maintenant, il y a des films aussi, des documentaires sur ça. Non, pas de maintenant, il y a 40 ans, le cycliste, c'est un sport subject quand même à 200 km par jour en vélo. En fait, j'ai des copains qui ont trouvé des vieux. Enfin, je ne dis pas que tous les cyclistes font ça, mais c'est drôle de voir des messieurs qui sont faits, on dirait des yonkis, qui se retrouvent. Qu'est-ce que tu t'es mis aujourd'hui? Enfin, Le pot belge chez les Espagnols, c'est l'Europe aussi. Oui. C'est. Non, c'est terrible. Enfin, après, il y a les Américains dans la ligue de football américain, tout est permis. C'est-à-dire que c'est ton problème, tu te mets ce que tu veux, le truc, c'est arrivé avant. Effectivement, il y a le lien entre le sport et la santé, il est très relatif. Et la morale et le sport, évidemment. Juliette Arnaud, justement, vous avez le micro, ne le lâchez pas. Allez, profitez-en. En avant. Alors, le livre Une terre si froide, l'auteur Adrian McKinty, mai 1981. Alors, pendant qu'en France, on fête l'élection de François Mitterrand, bon, bien sûr, soyons honnêtes, plus à répu qu'à Passy, à Belfast, c'est quasiment la guerre civile quand le roman commence. Bobby Sands, un commandant de l'IRA, vient de mourir à la prison de Maz après 66 jours de grève de la faim. Je cite l'auteur, Bobby Sands, c'était un pilier du mouvement. Comme il était issu d'un milieu mixte, catholique, protestant, et qu'il n'avait tué personne, trois petits points, Bobby Sands était le maître universel qui allait racheter l'humanité par ses souffrances. Lorsqu'il meurt, les quartiers catholiques de la ville se soulèvent, poussés par la rage et la frustration. Et voici qu'au milieu de ce joli mois de mai, Sean Duffy, flic catholique dans la police protestante loyaliste d'Irlande du Nord, bon bah ça c'est un peu compliqué à imaginer, hein. C'est un peu comme si Donald Trump, il ouvrait un Taco Bell où il y aurait écrit « Bienvenidos, chicos ». En gros, ça n'a pas de sens. Donc, ses collègues se méfient de lui. Hein. Le peuple émeutier d'Irlande du Nord le considère comme un traître. Et vu que c'est une période d'attentat, le gars, Sean Duffy, il vérifie à chaque fois qu'il prend sa bagnole si on n'a pas installé dessous une bombe. Bref, une vie pépère. Heureusement, le soir, chez lui, il écoute Dusty in Memphis. Dusty comme Dusty Springfield, chanteuse merveilleuse d'origine irlandaise, of course. Dusty in Memphis, un des 500 meilleurs albums au monde selon Rolling Stone. Ici, Les Moulins de mon cœur, version anglaise. Petite digression, Charline, ça fait une vraie différence avec les flics de la télé, cette histoire qui... Parce que les flics de la télé, hein, en dehors de leur boulot, ils ont que des problèmes à très bas potentiel sexy. Conjugalité, enfants, femmes, PEL. Alors que dans les polars, dans les romans policiers, les flics, ils font souvent, c'est souvent des gars seuls avec des problèmes d'alcool, voire de drogue, voire de dépression. Mais ils ont le goût sûr, hein, en termes de livres, de musique, comme on l'entend, et de vie sexuelle. Le bon goût est-il soluble dans la vie de famille? Je pose la question et je referme la parenthèse. Au milieu de ce merdier sans nom, deux homosexuels sont assassinés. Et le tueur fait vite savoir par courrier, oui, en 1980, on fait pas les mails, Alex, qu'il a l'intention de continuer à tuer des PD, parce qu'en gros, il a rien contre eux, mais si un peu quand même, alors il s'engage à les faire quitter plus rapidement que prévu cette vallée de larmes qu'est la vie. C'est bien pratique, en tout cas pour que l'affaire s'enterre toute seule, l'Irlande du Nord entre les grévistes de la faim, le prochain mariage de Lady Di, la tentative d'assassinat de Jean-Paul II et un conservatisme flippant à d'autres chats à fouetter. Et ça, ça met la puce à l'oreille de notre enquêteur, Sean Duffy. Et comme il dit, je cite, « L'Irlande du Nord n'est pas un terreau pour les tueurs en série. En Irlande, si on a des envies de tuer, on rejoint les paramilitaires pour assouvir ses penchants sociopathes. » De fait, à mesure que l'enquête avance, il semble que les meurtres aient plus à voir avec l'IRA et le MI5 qu'avec Hannibal Lecter. Alors bien sûr, on lui retire l'enquête, bien sûr, il subit des intimidations, bien sûr, il prend des cuites pour oublier, bien sûr, il rencontre la fille, avec des majuscules, mais il s'y prend comme un manche, au moins au début. Et aux esprits chagrins, je dis, mais bien sûr, c'est obligé, sinon c'est pas un polar. Mais il y a aussi des choses plus rares, par exemple un épisode où Sean Duffy connaît la tentation homosexuelle, c'est pas à Navarro que ça arriverait, ou à l'autre bouquin des experts à Miami. Il y a la description d'une ville pauvre et qui s'enflamme, tout ça avec une météo dégueulasse, mais sous sa plume, c'est beau. Je cite, « L'émeute revêt une beauté particulière à présent, arc de flamme au-dessus des feux d'essence sous le croissant de lune, balise pourpre de paraboles mystiques, phosphorescence des canons de fusils à balles en caoutchouc, au loin une clameur comme venue d'un navire torpillé où les hommes seraient restés prisonniers des cales, trombes écarlates, sifflements mouillés des cocktails Molotov au contact de surfaces solides, et partout les hélicos et leurs projecteurs qui se cherchent et se trouvent, tels des amants dans le ciel de l'au-delà. » C'est beau, hein. Et ça, ce ne sont que les premières lignes. Le reste, c'est en livre de poche, dans toutes les bonnes librairies, Une terre si froide, d'Adriane McKinty. Merci Juliette Arnault. Et donc, oui, vous conseillez vivement, parce que notamment, ça nous change des policiers français. Ben, ça nous... Oui, c'est ça, ça nous change de Navarro. Effectivement. Merci Juliette. On est avec Sergi Lopez, que vous pouvez voir au Théâtre de la Papinière, dans 3040 Livingstone. Et on va aborder avec vous, Sergi, le troisième sujet. Ça y est, je vous appelle Sergi. C'est fou, hein. Ça va super vite, entre nous, c'est incroyable, ouais. C'est incroyable. Et direct, ouais, c'est fou, hein, avec tous les Français pour témoins. C'est très gênant. Sergi, vous pouvez dire Charline, gênant. Hein? Vous pouvez dire Charline pour voir comment ouais, ça fait. Ouais, je peux le dire. Allez-y. Non, je ne peux pas voir. Déjà pas. Le mec est fort. Allez, sujet 3. Oh, ben, l'information avant tout. Oui. Hein. Aucun quotidien national n'est paru ce matin. La CGT du livre a bloqué la parution par solidarité avec l'appel à la grève de l'AFP. Et là, du coup, la grève à l'AFP passe beaucoup moins inaperçue, comme il n'y a pas les journaux ce matin. Une journée sans presse, c'est long comme un jour sans pain. Il y a quand même des choses essentielles dans les journaux. Oui, je viens de tomber là sur un truc assez intéressant. Oui. 2009 serait la cinquième année la plus chaude depuis 1850. Oui. C'est vrai qu'il faisait chaud en 1850, vous vous en souvenez? Oui. Hein? C'est bien ça, hein, les études comme ça. Oui, oui, moi, ça nous concerne vraiment, nous. Ben oui, bien 1850, sûr. Ça nous concerne. J'espère qu'ils pourront remonter à 600 ans avant Jésus-Christ. Ça nous concerne encore plus. Y avait-il du textile? Y avait-il des voitures à biocarburant? Non mais arrêtez, putain, arrêtez de vous branler dans les bureaux. On bosse et on fait des vrais journaux. Merci. Le SAV de Marie Fred. Alors Sergi Lopez, c'est une journée sans journal, enfin quotidien papier. Nationaux. Papier. Est-ce que vous... Codinaux fait... nationaux, ça veut dire... oui, les codinaux nationaux. Codinaux nationaux, parce que nous, on est dans un pays ici. Hein. Vous avez un État et... Voilà. Si vous n'avez pas le journal, qu'il soit papier ou numérique, est-ce qu'il fait partie de votre quotidien, justement, le quotidien? Je suis personne, si j'ai pas le journal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes accro au papier comme nous. Enfin, je le lis tous les jours. Plutôt papier, ouais. Ou bien vous commencez à vous faire à l'idée du numérique? Les deux, en fait, comme des fois je suis pas chez moi et que je suis dans des pays étrangers qui mm-hmm. publient pas les journaux qu'on publie chez moi. Quand vous êtes à Madrid, dans un pays étranger, vous... Madrid, ne me dites pas que vous lisez El País. Ça m'arrive, ça m'arrive. Vous lisez le pays, ça m'arrive, alors que c'est pas le vôtre. Un peu par, oui. Par vice. Ouais. Donc les deux, papier et PDF. Et qu'est-ce que vous lisez en France? En France, rien. Rien. Non, aucun journal français. Non, si, Le Monde. Enfin, vous informez comment? Il y a Libé aussi, et puis il y a Le Monde, que j'ai toujours cru que c'était lourd à suivre, mais c'est bien. Il y a Le Monde diplomatique aussi, qui est drôle aussi. Très léger. Et puis pour la radio, France Inter, bien sûr. Voilà, France Inter qui va vous offrir un rôle inédit, Sergi Lopez, si vous acceptez cette mission. Est-ce que vous acceptez? Tous les invités, on leur propose de participer à un sketch en fin d'émission. D'accord. Et le sketch ici, c'est une réunion d'indépendantistes. et nous sommes tous là, et c'est le flamand qui mène les débats. C'est parti. Nouveau jingle, qu'est-ce qui se passe? Chers amis, je suis Kurt, le représentant de la Flandre, et je déclare ouvert le sommet international... Non! Pardon, je déclare ouvert le sommet interrégional de l'indépendantisme. Ah, je salue nos amis corses. Nous avons autour de la table pour ce premier débat une représentante de la Wallonie qui vient soutenir l'indépendance de la Flandre. Ah bah non, moi je suis contre. Hein. C'est ça, elle est contre l'État fédéral. Ah bah non, parce que ça je suis pour. Hein. C'est ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle n'est pas contre l'idée que les régions décident de ne pas être pour le fait qu'elles soient contre une forme de non-indépendance. Ouh là là, ça, je ne sais pas si je suis pour ou contre. Hein, ça, voilà, je c'est pas. Ça, à sa gauche, le comte Guillaume de Meurice, présentez-vous. Oui, je suis indépendantiste monégasque. Indépendantiste monégasque. Est-ce que vous êtes bien organisé? Très, oui, je suis carré. Non, ce que je veux dire, est-ce que vous êtes bien organisé? Le mouvement indépendantiste monégasque? Ah, oui, en fait, oui, je suis seul, donc ça facilite l'organisation. Très bien, bien sûr. Et enfin, Bernardo McWallace, indépendantiste écossais, je suppose? Non, catalan. Ah bon, catalan? Ben oui, ma mère était indépendantiste basque, mon père indépendantiste écossais, et ils se sont rencontrés à Barcelone. Et donc vous voilà. Êtes devenu... Donc je suis devenu indépendantiste catalan. Évidemment, et votre femme est indépendantiste bretonne? Non. femme était espagnole. Ah, toutes nos condoléances. Non, elle est bien, mais on s'est séparés en fait. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, oui, elle a pris son indépendance. Ah, bah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, je veux l'indépendance de la Catalogne. Ah, c'est amusant ce que vous dites parce que ma femme était française et depuis notre séparation, j'en veux à la France, moi. Et ça se manifeste comment à Monaco ? Ah, bah moi, je regarde plus Gad Elmaleh à la télé. Ah, quand même, oui. Bon, si ma femme, elle était wallonne et depuis notre séparation, bah, je veux l'indépendance de la Flandre. Vous n'avez qu'à retrouver une wallonne, hein ? Dites, vous êtes célibataire. Bah oui, hein. Et vous, Bernardo, vous êtes célibataire ? Oui, et j'aime beaucoup Monaco. Eh bien, voilà. Tout est solutionné. Je déclare fermé ce sommet international de l'indépendantisme. Ah, les Corses sont pas d'accord. Sergi Lopez, merci. Non, merci à vous, c'est sympa. Sergi Lopez, qu'on peut voir donc au théâtre de la Pépinière avec un cerf qui. Avec un cerf, c'est ouais. Votre ami Jorge Pico, avec qui vous avez écrit 30-40 Livingstone. On peut vous voir du mardi au samedi à 19h, théâtre de la Pépinière donc. Allez-y plusieurs fois, parce que comme il y a beaucoup de choses à comprendre, je crois qu'il faut y aller une fois par semaine pendant 2-3 semaines. Pendant 2-3 semaines, on finit le 28 novembre. Vous voilà, insistiez sur le fait qu'on rigole beaucoup, que le processus créatif c'était l'impro dans l'écriture et qu'on rigole beaucoup. Ouais. Nous on s'est beaucoup marré à écrire, mais on est un peu suicidaire, on part, on ne sait pas où on va, et en fait, c'est vrai que l'humour. Enfin, un peu comme vous. Ouais, voilà. Ça nous dépasse. On essaie de faire une tragédie. Mais ça forme un tout. Ça forme un tout qui vous a été recommandé par Alex, oui, au théâtre de la Pépinière, Sergi Lopez. Et puis voici le mot de la fin, les amis, concernant le secret des athlètes russes, révélé dans cette histoire de dopage. Non, ils s'entraînent de façon naturelle. Alors comment expliquez-vous sa monstrueuse puissance ? C'est un Popeye. Lui aussi mange des épinards.